DJ Mike. L'essentiel de mon RAP, mon RAP, mon RAP, DJ Mike. L'essentiel de mon RAP, mon RAP, mon RAP, mon DJ Mike. J'ai peur à l'idée que j'en ai mal, je soude devant ce monde qui déraille. Peur pour qu'on me dise un jour que tout va mal, mais t'inquiète, je te dirai pour tout ça où j'ai peur. J'ai peur, j'avance sur de moi avec la rage de surmonter contre l'état. Le jour où tout ira bien, je te dirai que les jaloux n'étaient qu'un passage. Une épreuve sans loi qui te dévisage, qui essaye de trouver le clash, la claque, le naufrage. Tu apprends à gérer les échecs avec l'âge et le temps. Les critiques tu te prends ne sont que superficielles. Tu écoutes et tu apprends à assumer les conséquences. Le temps est déjà loin de l'esclavage à la dépendance. Besoin d'un bouclier car ici t'es sans défense. T'es perdu d'avance. J'ai peur de finir dans le noir. J'ai peur de pas finir mes jours. J'ai peur comme j'ai mal. J'ai peur comme j'ai mal. J'ai peur de souffrir. J'ai peur de mourir. Peur de cette fin qui fait mal. Je ne veux pas finir mes jours seul. Seul. Besoin d'affection, besoin d'affection, besoin d'affection, besoin d'affection, besoin d'affection, besoin d'affection.